ainda o dia é uma criança. O tempo cobre o chão de verde manto, que já coberto foi de neve fria, e em mim converte em choro doce canto, e em mim converte, e em mim converte em choro doce canto. Mas se todo mundo é composto de mudança, troquemos-lhe as voltas que ainda o dia é uma criança. Arc-en-ciel. Il a tourné sa vie dans tous les sens pour savoir si ça avait un sens, l'existence. Il a demandé leur avis à des tas de gens ravis, ravis de donner leur avis sur la vie. Il a traversé les vapeurs des derviches tourneurs, des hachiches fumeurs, et il a dit: la vie ne vaut rien, rien, la vie ne vaut rien. Quand je tiens, tiens, mais moi quand je tiens, là dans mes deux mains éblouies, les deux jolis petits seins de mon ami, et là je dis: rien, rien, rien, rien ne vaut la vie. Il a vu l'espace qui passe entre la jet set, les faces, les palaces, et puis les techniciens de surface. J'espère dans les clochers, les monastères, voir le vieux sergent Pépère, mais ce n'est que Richard Gérard. Il est entré comme un insecte sur site internet, voir les gens des sectes, et il a dit: la vie ne vaut rien, rien, la vie ne vaut rien. Moi quand je tiens, tiens, mais moi quand je tiens, là dans mes deux mains éblouies, les deux jolis petits seins de mon ami, là je dis: rien, rien, rien, rien ne vaut la vie. Comme la vie c'est détergent, et comme ça nettoie les gens. Il a joué jeux interdits pour des amis endormis, la nostalgie, et il a dit: la vie ne vaut rien, rien, la vie ne vaut rien. Quand je tiens, tiens, mais moi quand je tiens, là dans mes deux mains éblouies, les deux jolis petits seins de mon ami, là je dis: bonjour à vous toutes, les 13h passées de 30 minutes, et bien on a pu commencer l'émission avec Alain Fousson. Mmh. j'espère que vous avez passé une bonne matinée avec l'émission de Lorenzo entre 9h jusqu'à midi. Et bien sûr, on va le retrouver la semaine prochaine et puis ainsi vendredi. Partez pareil entre 9h jusqu'à midi. Voilà aussi, j'espère que vous avez passé un bon début de semaine. Oui, nous sommes déjà tout simplement mardi. Et puis aussi, eh bien, c'est les jours, tout simplement, des vacances des enfants. Et oui, déjà, ils ont 15 jours, tout simplement. Voilà donc, nous sommes ensemble pendant toute l'après-midi avec plusieurs chansons différentes. Voilà donc, je vous laisse tout simplement avec Barry White et puis juste après lui, on écoutera le groupe Boney M, tout simplement du disco. Voilà, c'est tout de suite les chansons. I don't know why. Can't get enough of your love, babe. sweet. Girl, all I know is every time you're near, I feel a change. Something rude. I scream your name. Cause what you got to do is, darling, I can't get enough for your love, babe. Put your hands in the air. Give me all your money. This is the story of my baker, the meanest cat from old Chicago town. Cat. Tino Chicago.

Cambodja, et puis juste après on écoutera d'autres chansons et il y aura aussi Jen Manson. des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines. On dessine tout ce que l'on voudrait dire. Partout autour de nous, il y a des signes d'espoir. Ne dis rien, et puis juste après Michel Sardou. Un mot de trop, un regard en moi. Ne dis rien, pense à rien. Comme dans un film, juste après la fin. Madison, la 5ème et Central Park, le ciel crachait des bouffées de Havane. Aveuglés, passés dans la fumée des chicanes, un orchestre mendiait sous les sabots du cheval du vieux héros général Sheridan. Des forêts d'escaliers tombaient, les toits incendiés comme le feuillage emmêlé des savanes. Des sirènes ambulances aux vitres aveuglées. J'irai le silence au travers des fumées. Chanteur de jazz, rimeur de phrase, chanteur de jazz, rimeur de café au pied du pont de Brooklyn, buvait d'anciennes Marilyn, de vieilles femmes. Des nuées de pédales sortaient de Carnegie Hall, en soldats de carnaval en gitane. Des enfants de couleur, lunettes aveuglées, revendaient du bonheur.

Arc-en-ciel. Voici donc Jimmy Cliff, Reaganite. Et puis juste après, Patrick Bruel. Tu ne peux pas rester seul ici. Jamais abandonner ta vie. Tu ne peux pas t'enfermer dans l'oubli. Jamais tu ne sais. n'est qu'une philosophie. Être acceptée comme je suis, malgré tout ce qu'on me dit. Je reste le point levé, pour le meilleur comme le pire. Je suis métisse mais pas martyr, j'avance le cœur léger. Être toujours le point levé, lever la tête, bomber le torse, sans cesse redoubler d'efforts. Finalement laisse pas le choix, je suis là c'est pas le roi. Gré nos peines, nos différences, toutes ces injures incessantes, moi je lèverai le poing. Encore plus haut, encore plus loin, viser la lune, ça me fait pas peur, mais ma lumière, j'y crois encore et encore, mais ça vite. S'il le faut j'en ferai, j'en ai déjà fait, mais toujours le poing levé. Je ne suis pas comme toutes ces filles, des visages qu'on déshabille. Moi j'ai des formes et des rondeurs. Ça sert à réchauffer le cœur. Fille d'un quartier populaire, qui a appris à être fière. Bien plus d'amour que de misère, bien plus de cœur que de pierre. Je n'ai qu'une philosophie, être accepté comme je suis, avec la force et le sourire. Moi levé vers l'avenir, lever la tête, lever le torse, sans cesse redoubler. La vie ne m'en laisse pas le choix. Je suis là, c'est pas le roi. Viser la lune, ça me fait pas peur. Mais ma lumière, j'y crois encore et encore. Des sacrifices, s'il le faut j'en ferai. J'en ai déjà fait, mais toujours le point levé. Cuando volverás, cuando Voici donc Axel Tony, le titre Flamme, et puis juste après du Latino. Avec des raisons, rien que pour toi. Rien que pour toi. Rien que pour toi. Comme une hirondelle en pleine tempête, tu es le soleil qui sèche les ailes. Je te veux toi, toi. Rien que pour toi. Longtemps j'ai attendu et maintenant l'heure est venue de t'avouer. Que pour eux et toute la nuit et toute la nuit, je ne vois que, je ne vois que, je donnerai ma vie pour être celui pour qui tu réserves toute ta tendresse, toutes tes caresses, tous mes rêves m'emmènent auprès de toi, mon cœur t'a choisi, ne vois-tu pas, je te veux toi, toi, rien que pour toi. Longtemps j'ai attendu. Maintenant l'heure est venue de t'avouer tout l'amour que j'ai pour toi. Je m'éteins comme une flamme lorsque j'entends ta voix. Je frissonne d'amour quand je sens ton souffle derrière moi. Tu me rends fou, je ne peux plus penser lorsque j'entends ta voix. Je suis con quand tu laisses ta main. Viens ma petite, toi et moi on fait un feat. Le tempo s'accélère, la vie c'est la galère. ça c'est trop chic. Je m'en fous, je veux kidnapper. Même si tes copines sont jalouses, mais je m'en fous, c'est ton bouche. Je fais le pas à barre, je fais le travail. Ton pas à barre, il va me tuer. C'est sans ton jaille, vas-y sur le bail. C'est sans ton jaille, vas-y sur le bail. C'est sans ton jaille, vas-y sur le bail. Dímelo, mami, ya me acostumbré. Dale como reggaeton, acostumbré. Qué coloría, qué fantasía. Qué chévere esta música, la mía. Alguien y más se ven aquí a mí. Mueve tu cuerpo, tu anatomía. Hacemos de vida, todo de go. Hablamos de chica, el fuego. El video ya compra los shows. Si tú te compras, te firmo la moneda.

chanson de rap avec Joker qui nous donne du côté de Las Vegas. Et puis juste après lui, on écoutera Diams. Arc-en-ciel. T'aimais le rap, voilà de la boulette. Sortez les briquets, il fait trop tard dans l'hôtel. Alors, ouais, je me la raconte, ouais, ouais, je déconne. Non, non, c'est pas l'école qui m'a dicté mes codes. On m'a dicté, mais le rap, voilà de la boulette. Sortez les briquets, sortez les briquets. Y'a comme un goût de haine quand je marche dans ma ville. Y'a comme un goût de gêne quand je parle de ma vie. Y'a comme un goût d'aigreur chez les jeunes de l'an 2000. Y'a comme un goût d'erreur quand je vois le taux de suicide. Me demande pas ce qu'il épouse à casser des vitrines. Tu parles à mairie, je suis qu'une artiste en devenir, moi. Je suis qu'une boulette, me demande pas si j'ai le bac, j'ai que le rap et je l'embarque, je l'embrasse. Je le macaque, je l'embrasse. Y'a comme un goût d'attentat, comme un goût de Bertrand Cantat, comme un goût d'anthrax pendant l'entraque. Y'a comme un goût de foulette, foulette chez les mots, comme un goût de boulette, boulette sur les ondes. Ah ouais, on déconne, ouais, ouais, on étonne. Non, non, c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes. Non, non, génération, non, non. Alors ouais, on déconne, ouais, ouais, on étonne. Non, non, c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes. Non, non, génération, non, non. Y'a comme un goût de viol quand tu marches dans ma ville. Y'a comme un goût d'alcool dans les locaux de police. Y'a comme un goût de peur chez les meufs de l'an 2000. Y'a comme un goût de bœuf dans l'oxygène qu'on respire. Me demande pas ce qu'il épouse, ça te passe les couilles. Je suis pas les secours, je suis qu'une petite qui se débrouille, moi. Je suis qu'une boulette, me demande pas si j'aime la vie. Moi j'aime la rime et j'emmerde Marine. Juste parce que ça fait zizi. Y'a comme un goût de bad boy, comme un goût d'agapone, comme un goût de hardcore, hardcore dans les écoles. Y'a comme un goût de foulette, foulette chez les mots. La bouche de Sarko, comme un goût de Michto près des Merco. Y'a comme un goût de boum boum dans les chambres des jeunes. Y'a comme un goût de boum boum dans le cœur de mes soeurs. Y'a comme un goût de chouille saoulé de tout ce qui se déroule. Y'a comme un goût de foulette, de boulette qui saute dans la foule. Alors ouais, on déconne, ouais, ouais, on étonne. Non, non, c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes. Non, non, génération, non, non. Alors ouais, on déconne, ouais, ouais, on étonne. Non, non, c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes. Demain, mercredi. Voilà donc en soirée, vous allez retrouver Christophe à partir de 19h jusqu'à 21h pour l'émission Éric Choc. Voilà, et ainsi pour demain, ben, on sera donc bien déjà mercredi. Francky au réveil sur Radio Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel. Donc suivi avec Victor, Portugal en fait, entre 9h jusqu'à midi. Et puis juste après, dans l'après-midi, à partir de 14h jusqu'à 16h, avec la musique de Gloria, avec Gloria. Et puis après, dans la suite, vous allez retrouver tout simplement entre 16h et 17h avec Zika d'ailleurs. Et puis à partir de 18h, 19h30 avec l'émission de Violette traditionnelle. juste après Violette, vous allez retrouver à partir de 19h30 jusqu'à 21h avec Christana, avec Fleur de Femme, Flamme. Voilà, donc on continue les chansons différentes et voici déjà un morceau de pop rock. C'est Lily Harmony, tout simplement, et puis juste après, Garou. Arc-en-ciel. Le titre dans son regard.

Voilà, donc ben, je vous laisse avec deux titres portugais. Casei com ele, muito amor me prometeu. Mas com o passar do tempo tudo se desvaneceu. Pouco a pouco foi mudando, já não é como era outrora. Nem sequer me dá um beijo, como está diferente agora. À noite, só à noite, é que ele diz que me ama. Vem com palinhas mansas quando quer festa na cama. À noite, só à noite, diz que sou a sua amada. O que ele quer eu já sei, é uma noite bem passada. Já não existe dentro do seu coração. Quase nada resiste do que foi uma paixão. Chega tarde e nada diz, e nem sequer por mim chama. Como posso ser feliz com alguém que não me ama? À noite, só à noite, é que ele diz que me ama. Vem com palinhas mansas quando quer festa na cama. À noite, só à noite, diz que sou a sua amada. O que ele quer eu já sei, é uma noite bem passada. Casei com ele, muito amor me prometeu. Mas com o passar do tempo tudo se desvaneceu. Pouco a pouco foi mudando, já não é como era outrora. Nem sequer me dá um beijo, como está diferente agora. À noite, só à noite, é que ele diz que me ama. Vem com palinhas mansas quando quer festa na cama. À noite, só à noite, diz que sou a sua amada. O que ele quer eu já sei, é uma noite bem passada. Me toute la semaine comme un colard. Alors fini l'usine, fini la trine. La compagnie Joséphine, Marie, Catherine, Caroline. Je vais passer prendre mon petit frère, même ma grand-mère si elle s'ennuie. Amandine, Colombine, Adeline et sa cousine. Jusqu'au petit jour on ira faire la fiesta, la fiesta. On va danser le vélo vert. La fiesta, la fiesta. Ce soir on est les rois de la terre. La fiesta, la fiesta. On finira la tête à l'envers. Églantine, Coraline, Clémentine, Géraldine. Y'a pas de mal à se faire du bien, même leur maman l'ont fait aussi. Mélusine, Jocelyne, Mazarine et Saffrangine. Jusqu'au petit jour on ira faire la fiesta, la fiesta. On va danser le vélo vert. La fiesta, la fiesta. Ce soir on est les rois de la terre. La fiesta, la fiesta. On finira la tête à l'envers. La fiesta, la fiesta. Zouké, zouké. Changer de vie. Ah oui, ça serait bien ça. faut changer de vie. Je suis tombé amoureux d'une blonde sur les réseaux sociaux. Un corps de déesse, elle pose en maillot. Une brune qui se pointe au rencard, quelques kilos en plus. Elle avait mis des filtres sur toutes ses photos. Alors je suis sympa, j'invite à prendre un verre, dès qu'il a mojito. Et puis elle s'approche, me murmure à l'oreille, je m'appelle Renato. C'est ainsi que va la vie. C'est ainsi que va la vie. Mais est-ce que c'est ça la vie? Essayons de changer de vie. Allô? Salut Jack, si je t'envoie ce rap, tu vas liker mon vidéo? T'as un problème, Jack, ta vie ne tourne pas rond. Elle tourne autour des likes et c'est ta seule implication. Alors tu lèves le pouce, selon l'inspiration. Tu sweeps tes faux amis sur ta dernière application. Si l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, c'est dommage, tu te couches trop tard pour avoir plus de follow. Alors tu rêves, Jack, d'un nouveau monde écolo. Si tu recommençais ta vie sur un bateau. Si c'était ça la vie, et si tu changeais de vie, alors d'accord, c'est décidé, je m'en vais sauver les océans. Ah bah c'est bien ça. Ouais. Encore 500 likes et j'éteins l'écran. C'est ainsi que va la vie. Et si on changeait de vie. Voici donc qui s'appelle tout simplement Slimane avec Si je m'en allais, et puis juste après David Hasselhoff. Comme je criais ton nom les nuits au téléphone quand tu ne répondais pas. Dans un jardin en fleurs, quand on s'est dit je t'aime, nous étions les plus beaux. Je me souviens de tes peurs qui sont devenues les miennes, ta peau contre ma peau. Si je m'en allais demain, sans prévenir personne, seras-tu sur mon chemin, avec ta voix qui résonne, mon cœur entre tes mains. Si tout s'arrêtait demain, que remarquerais-tu? Si c'était ça mon destin, quelques chances sont perdues, mon cœur entre tes mains. Ce jour de septembre, j'attendais ta venue comme on attend le soleil. Et mon amour en cendre, tu n'es jamais venu, il est où mon soleil? J'ai tout accepté de toi, même l'inacceptable, mais dis-moi ce que ça vaut. Tu ne sais toujours pas, comme c'est inoubliable, ta peau contre ma peau. Si je m'en allais m'en allais, oh, oh, oh, si je m'en allais, tu referais-tu ta vie comme les autres gens qui délaissent et oublient ce qui les aimait tant, ce qu'il a de l'orgueil, celui qui veut être cueilli plutôt que celui qui cueille pour une fois dans sa vie. Si je m'en allais, si je m'en allais, Arc-en-ciel. Donc merci David Solof avec Je t'aime Miss I Love You, et puis juste après lui ce sera Mila Bella avec Liberty. rester enfermé. Toi aussi pour sortir, ça me plaît. T'es super sexy dans ton beau costume. Oui, t'es frère. Tu veux me plaire, oui, m'envoûter. M'emmener dans ton paradis secret. Prêté pour tout enflammer. Get up, get up, get up, get up. Lève-toi et danse. Get up, get up, get up, get up, get up, get up. Il appelle là. Comme une envie d'aller danser. Comme une envie de m'envoler. Comme une envie de m'évader. Comme une envie de liberté. Quand elle est arrivée, elle est entrée comme un mirage, la tête haute, ne se souciant pas du regard des autres. Elle a traversé toute l'allée. Mais c'était qui? Mais c'était qui? Mais c'était qui? Mais c'était qui? Mais c'était qui? C'est qui? C'est qui? C'est qui? Mais c'est qui? C'était Loli. C'était Loli. C'était Lolo. C'était Lola. C'était Loli. C'était Lolo. C'était Lola. C'était la grande Lolita. C'était Loli. C'était Loli. C'était Lolo. C'était Lola. C'était Loli. C'était Lolo. C'était Lola. C'était la grande Lolita. Et j'attrape Lolita et je me prends une chatte. Quand les femmes du 20e siècle méritent qu'on les respecte. Elle est entrée comme un mirage, la tête haute, ne souciant plus du regard des autres. Elle a traversé toute l'allée. Mais c'était qui? Mais c'était qui? Mais c'était qui? Mais c'était qui? Mais c'était qui? C'est qui? C'est qui? C'est qui? Mais c'est qui? C'était Loli, c'était Lolo, c'était Lola. C'était Loli, c'était Lolo, c'était Lola. C'était la grande Lolita. C'était Loli, c'était Loli, c'était Lolo, c'était Lola. C'était Loli, c'était Lolo, c'était Lola. C'était la grande Lolita. sentelo lo, sentelo la, sentelo lì, sentelo lo, sentelo la, sentelo con valorità, sentelo lì, sentelo lì, sentelo lo, sentelo la, sentelo lì, sentelo lo, sentelo la, sentelo con valorità. Arc-en-ciel. Ils avaient fait le long chemin. Ils disaient, bien ma belle, moi je n'ai qu'une étoile à mon ciel. J'ai la mémoire de nos beaux jours. Le vent du soir n'est pas celui. Et si doux d'entendre encore amoureux fou ces amants de longtemps, fiers de leurs quatre fois 18 ans. J'ai la mémoire de nos beaux jours. Le vent du soir n'est pas celui. Chaque amour un aussi grand bonheur, et à la fin du parcours, il se savait par cœur. Voici donc petit titre amour et d'amitié, Céline Dion. Et son sourire ne ment pas quand il vient me chercher. Quand il vient me chercher. Il me vient me parler des choses qu'il a vues, du chemin qu'il a fait et de tous ses projets. Je crois pourtant qu'il est seul.

Catch. T'es seul dans ta chambre et tu twerk. Attends. Baby, I got you. T'es seul dans ta chambre et tu twerk. Attends. c'est le morceau de tout simplement Magic System qu'on va se quitter, qu'on va, je vais dire bonsoir. L'émission touche à sa fin. Voilà donc, bien, j'espère que vous avez passé mon après-midi, ma compagnie, qu'on va se retrouver prochaine fois. On va se retrouver donc, eh bien, aussi, tout simplement vendredi, pareil, même heure, à 13h30. Et puis ainsi, dimanche, à partir pareil, 13h30, pour l'accordéon. Voilà donc, eh bien, je souhaite de passer bonne fin d'après-midi. Voilà donc, eh bien, je vous dis bonsoir à tous et aux toutes. Comme toujours, ça va aller. On te met en gaz à gogo. Tous ensemble, on fait le show. De FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-ciel, la radio 100% différente. 100% différente pour votre plaisir. Oh, et où courez-vous ? Faire de bonnes affaires. Ben où ça ? Aux établissements Mariano. Toute l'année, des prix en fête, des promotions sur de nombreux articles signalés en magasin. De délicieuses spécialités portugaises à des prix qui défient toute concurrence. Un espace épicerie, surgelé, une cave, bref, tout un choix de produits pour nous régaler. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez, appréciez et consommez avec modération. Établissement Mariano, à rue de l'Orme Gâteau, à Sémois. Téléphone 02 38 22 12 22. Un grand merci, muito obrigada. Oui, ce fut un succès ce dernier bal, le bal de la Saint-Valentin, organisé par Radio Arc-en-Ciel. Nous tenons à remercier tout particulièrement les membres du conseil d'administration pour son implication et choix artistique. Obrigada aos toques e dança, pelo espetáculo sensacional. Merci à Carmo Leal, no seu melhor, tributo a Linda de Souza. Merci au groupe 25 de Abril, de nous avoir fait danser jusqu'au petit matin, c'était extra. Merci à tous nos bénévoles.

Internacional. Longe da vista.